les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles, comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. La la la la.